sais pas, je ne sais plus. I don't know, but I'm missing you, girl. I say, je ne sais pas, je ne sais plus. I'm feeling blue, 'cause I'm missing you, girl. Baby, baby, baby, my baby, I'm missing you, girl. Baby, baby, baby, my baby, I'm missing you now. Cameroon, I left my heart in Douala. Oh, Cameroon, I left my heart in Douala. Je suis mal fin de Lago. Quand elle casse mon pétrier, ça m'enjaille. Quand on se casse les pétunas, ça m'enjaille, yeah, yeah, yeah. Dans les maquis, on s'enjaille. Les boîtes de nuit, on s'enjaille. Dans la voiture, on s'enjaille. Dans la piscine, on s'enjaille. Dans les restos, on s'enjaille. On va chez elle, on s'enjaille. On va chez moi. Quand on va au cinéma, on s'enjaille, aïe, aïe, aïe. Cameroun, j'ai laissé mon cœur à Douala. Cameroun, j'ai laissé mon cœur à Douala.